t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime et j'en rêve. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime d'amour et de haine. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je vis mon martyre. L'enfer est le pire, je n'ai rien à dire. Que te dire, je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ton corps est facile. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime comme un loup docile. Oh, ouais. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.